GIB2Z 2013. Quand je remets l'arme d'écriture, c'est tous les jours mode écriture. Je démode pas la vie dure, je gère toujours autant mes tripes dans les ordures. Je suis simple comme tout le monde, un jeune en quête de réussite qui rêve de faire le tour de ce monde, se demandant cette putain de terre ronde. Et ça suscite de la jalousie, c'est qu'à 99% je suis pas comme tout le monde. Allez-y, compatez pour votre terre 229 200 29 frères 200. T'entends j'y baissais dans le casque et ça se ressent trop blessant. Aïe la zig, c'est comme si je vidais mes artères de sang. Classique, tu kiffes, ah, c'est comme si tu reniflais dans le sang. Errant dans la vie, ça je m'appelle pas, puis je ramasse mon bif. Je vais profiter la mif, Zaratos, faire qu'à chaque cherche son bif. Je vois que le monde part en couille, 15 piges à plus de friandises. Les jeunes sont déjà obligés de vivre de la débrouillardise. Je continue d'errer dans la vie, à croire comme l'Hollande est volant. On veut croquer la poire à vie, mais aujourd'hui c'est Hollande qui tient ce volant. Alors je prends le parent, chut, dans les nuages paraissera la chute. Ce qui compte c'est l'atterrissage avec ou sans parachute. Ce qui compte c'est l'atterrissage avec ou sans parachute. Je continue de rigoler, je picole avec la zik, mais je vois pas toujours le fond du bol. Un trompe de NL réel avec ou sans zèle, je crois que j'ai passé la frontière de l'irréel. Trop d'hécatombe, Dieu me tenait la main pendant que le diable attendait que je tombe. Faut être libre de ses choix, de sa destination, même si au final la vie te déçoit. Je continue d'apprendre pas à pas, mes premiers mots t'es pas à pas, mes derniers mots seront sûrement par pas. Dans la cage au combat, dans l'œil je mets le compas, car le triple 6 de mon répondeur ne répond pas. J'ai beau crier au secours, mais y'a que le diable qui me secourt, tout le monde secourt. Merde, à part sa seule sortie de secours, perdu décalé comme un labyrinthe sans fin, piégé dans une réalité, noyé dans une mélodie au tragique refrain. Je remuerai ciel et terre, mer, pour trouver l'oasis dans le désert. Laisse-moi mes rêves, même si tout est éphémère. La vie de rêve, on sait bien que c'est juste un effet de merde. Ouais, la vie de rêve, on sait bien que c'est juste un effet de merde. Les jeunes de nos jours divagent, l'impression de surfer sur 10 vagues. Sur les lits, j'avais pas nagé, merci de m'avoir sauvé. J'ai sauté, mais alors j'avais très bien que j'allais me noyer. Une bonne musique accompagnée d'un joint, séparé qu'à beau repas lié d'un verre de vin. J'suis pas rappeur à part entière, et sa mère pendant la nuit, c'est vrai que j't'écris des pages entières. Envahis-toi de mes vers, frère, à bout de bras, je sais plus quoi faire. Alors j'continue de courir avec joie dans les bras d'enfer. Chaque jour j'me défonce, fonce la matière grise. J'écris, j'fonce, mais sur la terre je glisse, sans jamais savoir où aller. Sur ma joue, c'est les larmes de savoir que j'viens d'avaler. J'en ai gardé un arrière-goût de dégoût, tolkanigou comme les Tortue Ninja, j'ai noyé mes rêves dans les égouts. Je continuerai d'écrire, même si le ciel et les murs deviennent gris. À la mort, à la vie, je rappelle les amis, la famille. Que restera-t-il à la fin, à part le visage des gens en pleurs devant mon corps défunt. Tous condamnés, à perdre, à gagner, c'est inné. À vivre et mourir, telle est notre putain de destinée. Le monde facilite l'échec, le reste n'est qu'une partie d'échec. Arrête-moi si tu peux, mais c'est pas moi qui falsifie tes chèques. Je ramasse qu'à apprendre, je m'en branle, droit dans le mur. Je continue d'apprendre. Comment faire ce qu'on aime sans problème, quand dans notre vie y'a que des problèmes. Le ciel c'est sans doute le paradis, car je vois que c'est l'enfer la terre. Œil pour œil finira par laisser le monde aveugle. Gandhi avec toi, il restera toujours quelqu'un pour te crever notre œil. Viser la lune c'est le Guinness, comme dit mon pote Inès. La vie, la liberté, c'est juste voir les petits qui naissent. Alors je revis de mes cendres, 2013, GIP2Z Renaissance.